Sans dire adieu, sans dire adieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sans avoir si je vis le monde. Je me ferai pas tous les potes.